La roulette de Pascal par Paul de Musset. Pour des écoliers de mathématiques, c'est une bonne fortune que l'intermède d'une anecdote curieuse au milieu des lignes géométriques et des formules de l'algèbre. Dans cet âge où la mémoire et l'imagination sont toutes fraîches, combien l'une serait plus sûre et plus fidèle si on employait l'autre comme introducteur? Certes, mon cours de mathématiques spécial au Collège Saint-Louis est bien loin derrière moi. Cependant, je crois voir encore le savant professeur traçant sur le tableau noir la roulette de Pascal. Cette leçon, parmi tant d'autres qui y sont perdues, m'est restée dans la tête parce qu'elle fut accompagnée d'un récit jeté comme un bouquet d'arbres au milieu des sables arides de la géométrie. « Messieurs, disait le professeur, le célèbre Pascal, se promenant un jour en carrosse par ordre du médecin, au lieu de se recréer à regarder les équipages, comme voulut s'y faire sa place, s'amusait à suivre des yeux attentivement la course décrite par un clou fixé à la roue d'un carrosse. Cette course, engendrée par le mouvement de rotation d'un cercle sur un plan, éveilla l'attention de ce grand génie. À quelque temps de là, pendant une nuit d'insomnie causée par ses infirmités, Pascal se rappela ses observations et parvint à se distraire de ses douleurs en faisant fort beau travail sur cette ligne à laquelle il donna le nom de roulette ou cycloïde. Il en découvrit toutes les lois en quelques heures, ce qui était un des problèmes les plus difficiles et les plus compliqués de la géométrie analytique. Malheureusement, pour les pauvres écoliers, le professeur, pressé de revenir à la science, n'en dit pas davantage sur Pascal. Il prit le morceau de craie et traça la figure de la cycloïde. C'était une courbe semblable à l'arche allongée d'un pont. Il expliqua ses propriétés et ses divers rapports avec le cercle générateur, la roue du carrosse. Aujourd'hui, je ne sais pourquoi cela me revient à l'esprit, et comme il se trouve que Pascal est à la mode cette année, je vais essayer non pas la démonstration des lois de la cycloïde, mais l'historique de cette courbe et de son apparition dans le monde savant, où elle a fait du bruit autrefois. Jamais le feu dévorant du génie ne fut déposé dans un corps plus frêle que celui de Blaise Pascal. Comme si le ciel jaloux eût craint la puissance de l'homme sur qui tombait cette étincelle divine, il l'avait prêté à une créature trop délicate pour la porter longtemps. Pascal avait passé sans transition de l'enfance à la vieillesse. Dès l'âge de 30 ans, il eut des attaques de paralysie. Chacun de ses travaux lui enlevait des années, tant la nature avait hâte d'en finir avec ce maître redoutable. Pascal excella dans les genres les plus opposés. Géomètre, philosophe, argumentateur, théologien dans l'occasion, admirable écrivain, il devinait les règles de tous les arts aussi bien que les secrets de la science. Porté à la dévotion, il entreprit la défense de messieurs de Port-Royal. L'ennemi prête le flanc au ridicule. Il employa contre lui l'ironie, cette arme gauloise si rarement unie à la profondeur, et il la maniait avec une force et une aisance inconnues jusqu'alors. Si, au lieu de mourir tout jeune, accablé d'infirmité, il eût vécu longtemps et en santé, qui peut savoir quel tour nouveau eut pris ce grand esprit? Peut-être eut-il écrit un jour des comédies, car il y a, comme on sait, quelques parentés entre ses lettres provinciales et les pièces de Molière. Malgré ses efforts pour s'écarter d'une science qui le tuait, et malgré les défenses de la faculté, Pascal, possédé du génie des mathématiques, y retombait en dépit de lui-même. Les médecins, la bouche pleine de leurs mots effrayants et baroques, grondait leur malade et lui ordonnait la dissipation comme à un homme dévoré d'une passion funeste. Il l'envoyait prendre l'air au bois de Neuilly, où les dames et les gens à la mode se promenaient. Mais ce grand enfant au milieu des équipages, posant sa tête pâle sur le bord de la portière, ne voyait passer que des équations, des chiffres et des courbes. Les roues devenaient des cercles ornés de leurs rayons, les essieux des centres, les chevaux des forces motrices, les carrosses des corps solides, le chemin un plan droit ou incliné. Les ombres formaient des projections et les clous décrivaient des roulettes. La statique, la géométrie et la mécanique, comme des sirènes enchanteresses, lui montraient perfidement son phénomène charmant et l'emportaient dans un monde merveilleux. La matière laissait entrevoir ses lois avec coquetterie et semblait lui dire « Auras-tu le courage de passer indifférent et de fermer les yeux devant tant de beauté qui t'appelle ?» Pascal, menacé de mort, se détourner à regret et résister aux séductions des sirènes. La cycloïde, plus gracieuse et plus belle que les autres, lui fit une impression vive qu'il dissimula pendant 3 ans. Mais le coup l'avait pénétré. Pascal revint à elle à 35 ans, l'âge des passions fortes. La cycloïde eut son dernier amour géométrique. Il voulut remplir le monde savant des charmes et des qualités de cette dernière amie pour se donner ensuite entièrement à Dieu. Pascal aurait sans doute résolu plus tôt le problème de la roulette, sans l'événement du pont de Neuilly où ses chevaux emportés faillirent le précipiter dans la Seine. Cet accident lui parut un avis du ciel qui lui ordonnait de laisser toute chose. Depuis ce moment, il écouta plus volontiers les exhortations de sa sœur Jacqueline, qui le suppliait de se retirer auprès d'elle à Port-Royal des Champs. Lorsqu'il y entra, les propositions de Jansénus et les colères de la Sorbonne mettaient le feu parmi les dévots. Pascal fut lancé contre l'ennemi par les compagnons de sa retraite. Les 18 lettres provinciales publiées successivement en 14 mois furent autant de victoires. Le jeune général se reposa ensuite comme Hannibal après la bataille de Cannes. Pendant une nuit du mois de juin 1658, Pascal, tourmenté d'un mal de dents insupportable, imagina de se proposer la recherche d'un problème difficile pour oublier ses souffrances. La roulette se présenta aussitôt à sa mémoire. Plusieurs raisons le conviaient à s'occuper de cette couche engageante. En 1615, le père Mersenne, minime, plus habile à poser de belles propositions qu'à les résoudre, avait déjà observé la cycloïde et en avait demandé les lois aux géomètres d'alors. Galilée s'y était appliqué un instant. Mais comme la ligne décrite dans l'espace par le globe terrestre lui semblait à juste titre plus intéressante que celle décrite par un clou, il laissa de côté la roulette. Le savant M. Roberval, professeur royal de mathématiques à Paris, découvrit toutes les propriétés simples et élémentaires de cette courbe. Descartes et M. de Fermat démontrèrent après lui les mêmes propriétés avec des preuves nouvelles. Tout cela fut imprimé en 1644 dans un traité de géométrie transcendante et le père Mersenne mourut content. 14 ans s'étaient écoulés. Descartes était mort aussi, Roberval songeait à autre chose, et les savants croyant en avoir fini avec la cycloïde, elle serait encore aujourd'hui au même point si Pascal ne fût venu à elle. Non content de connaître les lois de cette ligne et de sa surface, le grand géomètre s'avisa de supposer qu'elle fit une révolution autour de sa base et ensuite autour de son axe. Il calcula le volume des solides engendrés par ces révolutions, leur rapport entre eux, leur centre de gravité. Il divisa encore la surface enfermée dans la roulette par moitié et par quart, fit tourner ses fragments autour des bases et des axes, mesura les solides ainsi engendrés et détermina leur centre de gravité. Enfin, il mania et retourna cette pauvre courbe dans tous les sens de tant de façons qu'elle n'eut plus rien de caché pour lui. Quand le point du jour le surprit au milieu de ce travail, le mal de dents était parti. Le duc de Roannes, ami de Pascal, vint le voir de grand matin, au moment où il mettait la dernière main au problème. La sœur sainte Euphémie, Jacqueline Pascal, n'eut pas manqué de dire que son frère aurait dû chasser le mal de dents en priant Dieu, au lieu de se plonger dans les délices de la géométrie, comme un mondain. M. de Roannes, moins dévot, admira le génie de son ami, et il engagea Pascal à proposer ce problème aux savants d'Europe en consignant une somme d'argent chez un notaire pour prix de la meilleure solution. Pascal se défendait d'attacher de l'importance à ce passe-temps d'une nuit. Mais le duc imagina de lui dire qu'il donnerait à messieurs de Port-Royal un grand lustre, en montrant une supériorité comme savant, dont la religion tirerait beaucoup d'honneur et l'athéisme une confusion éternelle. Peut-être le jeune géomètre ne demandait-il au fond qu'un prétexte pour se rendre. Il feignit d'être persuadé par ce raisonnement d'une logique un peu faible. On se cacha de la sœur sainte Euphémie. On ne mit dans le secret de messieurs Roberval et Carcavi, professeurs de mathématiques, le duc de Liancourt et le sieur Gallois, notaire royal. 60 pistoles de France furent déposées chez Gallois, dont 40 pistoles pour la meilleure solution complète et les 20 autres pour celle qui approcherait le plus de la première. Pascal, déguisé sous le nom de Deutonville, publia en latin dans le Mercure et les Gazettes le problème de la roulette, le prix destiné au vainqueur et les conditions du concours. Le délai d'inscription expirait le 1er octobre, ce qui faisait, à dater du 20 juin, 3 mois et 10 jours pour chercher ce que Pascal avait trouvé dans une nuit. Les manuscrits devaient être envoyés à Paris chez M. Carcavi. Il suffisait d'écrire, avant le 1er octobre, une lettre contenant le résultat, sans preuve, de la troisième proposition, la recherche des centres de gravité, qui était la plus difficile. On avait ensuite un mois entier pour mettre les mémoires au net. Les séances d'examen devaient commencer le 1er novembre. Dans la lettre provisoire, une erreur de calcul ne serait pas mise en ligne de compte pourvu que la solution fût exacte. Dans le cas où personne ne pourrait résoudre entièrement le problème, M. de Tonville devait retirer ses 60 pistoles et il s'engageait à publier ses solutions au mois de janvier suivant. 6 concurrents se présentèrent avant le 15 septembre. M. Sluze, chanoine de la cathédrale de Liège, envoyait seulement une démonstration des 2 premiers articles du problème. Un Italien, M. Ricci, donnait les mêmes solutions avec des preuves différentes. M. Huygens, hollandais, n'avait pas non plus trouvé le 3e point, mais il avait imaginé un procédé ingénieux pour appliquer utilement la cycloïde au balancier des pendules. M. Vren, célèbre architecte anglais, avait résolu une proposition fort belle qui n'était pas dans le problème de Tonville. Ces 4 personnes, qui étaient de véritables savants, sentant bien que leur découverte ne remplissait point les conditions nécessaires, écrivirent, avant l'expiration du délai, pour déclarer qu'elles renonçaient à résoudre le problème et qu'elles se retiraient du concours. Il ne restait donc que 2 candidats. L'un d'eux était un ignorant et l'autre un original. Leurs mémoires sont à la portée de tout le monde et plus intéressants que le lecteur ne saurait se le figurer. Si les portraits du siècle de Pascal ne nous apprenaient que les hommes étaient alors de même taille qu'aujourd'hui, on les croirait volontiers des géants, tant il y a de force dans tout ce qu'ils nous ont laissé. Le génie semble avoir eu en ce temps-là une puissance et des proportions plus grandes. Mais en revanche, ce qui se mêlait d'être des sots l'était démesurément, avec une tranquillité, une naïveté, une audace épouvantable. L'ignorance était gigantesque, le plagiat impudent, l'orgueil grossier, l'hypocrisie intolérable. Les prétentions ne connaissaient pas de bornes, et quant au ridicule, il se montrait si dépouillé et si frappant qu'il fallait être aveugle pour ne point les voir, ce qui offrait aux écrivains 1000 facilités pour les saisir et les attaquer. Un Anglais, M. Wallis, professeur de géométrie à Oxford, recommandable d'ailleurs par une édition consciencieuse d'Archimède et une compilation sur les sections coniques, n'avait absolument rien compris à la cycloïde. Il voulait néanmoins gagner le prix sans avoir trouvé la solution, et cette prétention offre en soi un nouveau problème difficile à expliquer. M. Wallis écrivit le 19 août qu'il avait trouvé une méthode générale en 54 articles pour résoudre toute espèce de question, et que M. de Tonville pouvait s'assurer d'avance de l'excellence de sa méthode en vérifiant si le rapport du solide de la cycloïde à la sphère du cercle générateur n'était pas comme 23 est à 2. Une seconde lettre, datée du 3 septembre, vint rectifier ce calcul et affirmer que cette proportion était comme 37 est à 4. Troisième lettre, le 16 septembre, prononçait qu'il y avait peut-être quelque erreur dans ces chiffres et pour demander si on ne se contenterait pas d'une solution approchant de la véritable. M. Carcavi répondit au nom de Tonville que les mathématiques étant science exacte, ce qui ne faisait qu'approcher du vrai passait pour faux. M. Wallis écrivit le 30 septembre qu'il laissait au concours ses solutions précédentes. Quoiqu'elles fussent différentes entre elles, cela n'empêchait pas, selon son avis, que la difficulté du problème de la cycloïde ne fût suffisamment surmontée. Pascal, Robert Ball et Carcavi eurent donc la bonté d'examiner sérieusement les solutions de M. Wallis. Le conseil décida d'une seule voix que la première lettre était une erreur, la seconde lettre, en rectifiant la première, une nouvelle erreur plus grande, et la troisième, une preuve certaine et une confession de l'impuissance du docteur Wallis. Passons au dernier concurrent qui est le plus beau de tous. Le respectable père Lalouère, jésuite, habitant de Toulouse, s'étant un peu occupé de mathématiques dans sa jeunesse, jouissait d'une réputation de savant qui ne passait guère au-delà des murs de sa ville natale. Ce bonhomme n'eut pas plutôt lu le problème de Tonville qu'il annonça d'avance à ses amis la prochaine découverte qu'il en devait faire. il s'enferma dans son cabinet avec les œuvres de Robert Ball, de Descartes et de Fermat. Il copia textuellement tout ce que ces trois savants avaient dit de la cycloïde, puis l'envoya à ce magnifique travail à De Tonville en demandant un reçu de son mémoire. M. Carcavi répondit respectueusement, à cause de la qualité du saint homme, que son ouvrage était insuffisant et que tout cela était connu et publié depuis 14 ans. « On voit même dans ce mémoire, disait Carcavi, une page imprimée coupée avec des ciseaux, dans un livre de M. Robert Ball, ce qui semble démontrer que ce travail n'appartient pas en propre au révérend père. Le bon jésuite écrivit de nouveau pour assurer qu'il avait trouvé les mêmes choses que M. Robert Ball et qu'il trouverait encore le reste en temps et lieu. Il envoya en effet, avant la clôture du concours, un calcul si faux et si absurde qu'un écolier en eût rougi. Ce n'était, disait-il, qu'un travail provisoire dont il savait l'inexactitude, mais il promettait le véritable résultat et demandait qu'on le crût sur parole. Le révérend père ne souhaitait pas gagner le prix, il tenait seulement à l'honneur d'avoir fait aussi bien que les autres. Son ouvrage sur la roulette devait aller dans peu chez l'imprimeur, et on le verrait paraître au mois de janvier, aussitôt après celui de M. De Tonville. Pendant ce débat, on disait dans toute la Gascogne, « Nous avons à Toulouse le père Lalouère, qui est un savant et qui a trouvé la cycloïde. » La malice de cet étrange vieillard n'était pas difficile à reconnaître sous un déguisement aussi transparent. Pascal s'en amusait avec ses amis. « Vous verrez, disait-il, que ce jésuite découvrira 24 heures après nous tout ce que nous aurons imaginé. » Carcavi et Robert Ball écrivirent au père Lalouère que De Tonville, afin de ne pas lui enlever la gloire et le fruit légitime de ses inventions, retarderait de 3 mois la publication du traité de la roulette. La mauvaise humeur du révérend éclata sans mesure à cette nouvelle. Il répondit qu'il était inouï qu'on nous a manqué ainsi à des engagements écrits et imprimés, mais qu'on n'en était pas où l'on se croyait avec un savant de sa force, qu'il saurait se mettre en garde contre les jaloux et faire connaître au public et ses travaux et son mérite. Carcavi feignit dans sa réplique d'être étonné de la colère du père Lalouère. Il lui conseilla spirituellement de profiter du retard de 3 mois pour faire paraître immédiatement son traité, ce qui réduirait à néant l'ouvrage de De Tonville. Mais le vieillard avait de bonnes raisons pour refuser l'initiative. Sa réponse au défi était un autre défi et une menace qui suspendait le plagiat au-dessus de tout ce que De Tonville pourrait entreprendre à l'avenir. N'est-il pas surprenant de voir un homme comme Pascal forcé par la vie de ce bonhomme et la gravité particulière à son temps de discuter sérieusement avec un imposteur? Ce pauvre jésuite avait bien fait de naître au XVIIe siècle, car 100 ans plus tard, s'il fut tombé dans les mains de Voltaire, le monde entier l'eût peut-être bafoué. Dans une dernière lettre, on le pria d'envoyer son travail à quelqu'un de ses amis et sous un chiffre. Carcavi, perdant patience, ajouta avec une politesse un peu sévère que le révérend s'exposait à des railleries et que s'il produisait par la suite un ouvrage dérobé à celui de De Tonville, on ferait en sorte qu'il gagnât la méchante réputation que méritait un procédé de cette nature. Le plaisant de l'affaire, c'est que le père jésuite ne se déconcerta pas un instant. Il répondit qu'il ne prétendait à rien, qu'on le laissât en repos, qu'il examinerait les problèmes de De Tonville et en publierait de semblables. Les gens versés dans les mathématiques n'eurent pas le moindre doute sur l'ignorance du père Lalouère. Quant aux gens du monde qui entendirent de loin ce vacarme dans les régions de la science, ils en conclurent que le jésuite de Toulouse tenait tête à De Tonville, sans se rendre compte de la facilité qu'aurait eu le premier plagiat venu à en faire autant. On continue d'ailleurs à dire avec orgueil en Gascogne que le père Lalouère donnait de la tablature à messieurs les savants de Paris. Cependant, Pascal avait retiré les 60 pistoles, personne n'ayant gagné le prix. Robert Ball et Carcavi, persuadés que le jésuite ne publierait rien du tout en définitive, conseillèrent à leur ami de passer outre et de livrer à l'impression son ouvrage. Le traité de la roulette ou cycloïde parut dans la première semaine de janvier 1659. C'était un petit volume, tiré à 120 exemplaires seulement. On l'envoya à tous les géomètres d'Europe, à ceux qui avaient concouru pour le prix et même au père Lalouère. Le saint homme tint sa promesse et publia aussitôt à Toulouse le même traité de la roulette ou cycloïde copié sur celui de Pascal, avec un avant-propos où il dit que c'était précisément ainsi qu'il avait résolu le problème. Par malheur, il y voulut ajouter un peu du sien, en sorte qu'à côté de démonstrations belles et profondes, il pose des fautes si énormes qu'elles sont visibles aux yeux des ignorants. Il se trouve donc que le livre de ce plagiaire porte en lui-même la preuve incontestable du plagiat. Les savants, comme on le devine aisément, avaient autre chose à faire que d'écouter le vieux jésuite. Ils s'occupèrent des solutions de Tourville et nullement de celles du Ribal de Toulouse. Mais on persista dans la Gascogne à croire que le père Lalouère avait résolu le problème et le révérend, contrairement au proverbe, demeura prophète en son pays. Le nom de Pascal avait transpiré sous le mystère du pseudonyme. Lui seul était capable de pénétrer dans le cœur des difficultés. Messieurs de Port-Royal se réjouirent de la gloire de leur ami. La sœur Jacqueline pardonna cet écart dans le domaine de la géométrie et l'auteur des lettres provinciales, après ce triomphe éclatant, rappelé aux pensées de l'autre vie par ses infirmités, éteignit enfin le flambeau de son génie dans les entretiens pieux et les prières, ce qui a pu être fort heureux pour le salut de son âme, mais ce qui est à coup sûr déplorable pour la science. Les savants sont en général des gens simples, préoccupés par des idées fixes, habitués à n'user de la parole que pour expliquer leurs profondes pensées, il semble qu'ils devraient avoir le cœur plus transparent que le reste des hommes, et le caractère facile à connaître. Cependant, Pascal est apparemment une exception à cette règle, puisque dans les travaux récemment publiés sur sa vie et ses œuvres, on a tracé de lui des portraits différents entre eux et surtout bien éloignés de la peinture qu'en ont laissé ses contemporains, et particulièrement sa nièce, Marguerite Perrier. En résultat, il sera peut-être malheureux pour Pascal qu'on se soit tant occupé de lui cette année, lorsque des prétendants au prix de l'Académie ou des historiens veulent approfondir un personnage de cette importance, au lieu de s'effrayer sur la difficulté du sujet et d'avancer avec circonspection, ils ont d'abord l'envie de découvrir un Pascal nouveau, méconnu avant eux. Personne ne veut du véritable Pascal, tel que l'on dépeint les gens qui l'ont vu. Celui-là est pourtant le plus vraisemblable, et on ne devrait s'en écarter que sur de bonnes preuves. Certes, l'honneur serait grand de faire jaillir une lumière nouvelle, si la chose était possible. Mais quand la vérité est connue, prétendre en découvrir une autre, c'est amener des ténèbres où il n'y en avait pas. Voilà l'écueil des concours académiques, des appréciations systématiques et des histoires refaites sur d'autres histoires qu'on voudrait faire oublier en les surpassant. Les uns ont dit que Pascal n'avait point de vocation marquée pour les sciences exactes. Les autres, qu'il avait à une certaine époque de sa vie, donné dans une dissipation approchant du vice. D'autres enfin lui ont appliqué le mot un peu trop moderne de « fashionable » parce qu'il se faisait traîner par quatre chevaux. Toute chose qui endommage si fort le caractère sérieux de Blaise Pascal qu'on ne sait plus aujourd'hui dans lequel de tous ses portraits chercher la ressemblance. Pour juger si Pascal était appelé à cultiver avec bonheur les sciences exactes, on n'a qu'à étudier ses œuvres. Quant au second point, il est bien vrai que Pascal a vécu un peu en grand seigneur, c'est-à-dire qu'il a gardé le train de maison qu'avait eu son père, gentilhomme, intendant des finances de Normandie et conseiller d'État. Il est bien vrai que la sœur Jacqueline et la mère Angélique de Port-Royal lui reprochaient d'être dans le monde et les amusements. Mais n'aurait-on pas dû considérer que, pour ces bonnes religieuses, quiconque n'entrait pas en retraite comme elle était dans le monde et les amusements? Pascal s'opposa, il est vrai, à la prise de voile de sa sœur. Mais ne pouvait-il pas voir avec regret et mécontentement cette prise de voile, sans être un mauvais sujet pour cela? À l'appui de ces aperçus nouveaux, on a tourné contre Pascal son travail sur les chances et le partage du jeu. Et l'on a conclu de ce travail qu'il avait dû être joueur. A-t-on jamais songé à dire que Bernoulli fut joueur pour avoir écrit son calcul de probabilité? D'Alembert le serait bien davantage à ce compte-là, puisqu'il a inventé la martingale ascendante et descendante. En 1789, le marquis de Condorcet écrivait « Fermat et Pascal, en se livrant à cette espèce d'amusement, savaient bien qu'ils posaient les premiers fondements d'une science aussi vaste qu'utile. » Condorcet me semble plus respectueux et plus juste, en ne s'amusant point à rabaisser les proportions du génie par des considérations trop mesquines. L'époque où l'on a placé ce moment d'ivresse et de dissipation dans la vie de Pascal ne tombe pas heureusement si l'on observe l'ordre chronologique de ses ouvrages, puisque c'est le temps où il écrivait les pensées, inspirées par la mort de son père, le seul de ses écrits où le cœur est quelque part. L'attelage de quatre chevaux n'est pas non plus un grief contre Pascal aussi considérable qu'on l'a voulu faire. Les tarots à quatre chevaux sont rares aujourd'hui. Ils étaient vulgaires alors. Toute la cour allait ainsi, et même certains carreaux de louage, appelés carreaux gris, étaient à quatre chevaux, à cause de leur poids, de leur grandeur et du mauvais état où furent les chemins jusqu'aux grands travaux du ministère de Colbert. On le voit par les gravures du vieux Versailles et de Vincennes, de Vandermeulen. On le voit par ces historiettes où Talmand des Réaux parle de gens d'une fortune médiocre qui se réunissaient entre gendre et beau-père pour avoir un carreau sans commun, ne pouvant faire entre deux ménages que la dépense de quatre chevaux. On le voit encore par les mémoires du chevalier de Gramont où Hamilton, avec son esprit méchant, dit de Mademoiselle Blague, qui n'avait que 5 ou 6 000 livres de rente en terre sur les confins de Cornouailles. Hélas, la pauvre Blague, je la vis partir, il y a bien un an, tirée par 4 chevaux si maigres que je ne crois pas qu'elle soit encore à moitié chemin de son petit château. Le savant auteur de l'article sur Pascal dans la biographie universelle, sentant la nécessité d'éclairer le lecteur, n'a pas manqué de dire, en racontant l'accident du pont de Neuilly, que le grand géomètre se promenait dans un carrosse à 4 chevaux, comme c'était l'usage en ce temps-là. Mais lorsque la biographie universelle parut, on n'avait pas, comme aujourd'hui, cette soif ardente d'inventions nouvelles et d'aperçus ingénieux. Pascal allait se promener à Neuilly par ordre des médecins, pour se délasser des travaux qui avaient entièrement détruit sa santé. Au lieu de supposer qu'il y venait faire de l'étalage, il semble plus naturel de croire, avec mon vieux professeur de mathématiques, qu'il y cherchait le problème de la roulette ou cycloïde. Ainsi s'achève La roulette de Pascal par Paul de Musset.